l'océan ruine. Alice contemplante, moins triste, Gisèle mettait moins en dentelle. Maïté, faut dire la vérité, et puis au poche moins crevé. Marino, faut songer nous, dis-moi oui, pour toujours.